Thaïlande. D'humeur à rapper toute la journée. D'humeur à faire ça pas pour la monnaie. D'humeur à faire ça comme si j'avais fait ça tout le temps. Comme si j'avais fait ça fort tous les jours ou bien doucement. J'en ai rien à foutre, t'as vu, si je bafouille je continue. Je suis déterminé à défourailler cet instru. Et oui, c'est un freestyle mon pote. Non j'ai rien écrit, non j'ai juste pris le micro. Et dedans bah j'ai poussé mes cris. Y'avait Ken aussi qui m'a mis une instru, deux instrus, trois instrus. La troisième c'était la bonne comme disait l'autre. Alors je pose un désastre sur ce beat mec pour essayer de toucher les astres. Mais ils sont trop loin et moi j'ai fumé trop de joints. Trop pieds joints quand je saute dedans. Peut-être que je l'ai mal dit, rien à foutre t'as vu. Je rapperai du lundi au samedi, le dimanche. Je veux me reposer parce que j'ai pas que ça à foutre. Merde on est dimanche et je défouraille comme sur un putain de terrain de foot. Comme si je faisais des putains de passements de jambes. J'arrive sur le microphone encore une fois car ça me tente. Car je kiffe ça, je kiffe ça, je kiffe ça. Je kiffe Béra comme ça, je kiffe ça. Je kiffe ça, je kiffe ça. Et je kiffe quand c'est sale. Quand c'est propre, quand c'est musical. Quand c'est stone, quand c'est tranquille. Quand c'est pépère, quand c'est chill. Quand c'est cool, je kiffe ça. Quand c'est cool.